إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers auditeurs, nous continuons la lecture de l'épître de l'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, dans laquelle il nous explique la différence entre le conseil et le dénigrement. Nous avons vu dans les cours précédents que parmi les différences qu'il y a entre le conseil et le dénigrement en ce qui concerne les réfutations scientifiques, c'est l'intention de la personne. Si celui-ci prononce cette réfutation avec pour intention de faire triompher la vérité et d'avertir les gens contre cette erreur afin qu'ils ne se fassent pas leurrer par celle-ci, alors il est pour cela récompensé. Mais si son intention, lorsqu'il réfute l'erreur d'un savant parmi les savants de la sunnah, est de le rabaisser ou de faire apparaître son ignorance sur certains sujets, alors, dans ce cas-là, il est dans le péché. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « Faslun fi kayfiyatin nasiha ». Ici, il va nous expliquer la manière d'adresser la nasiha. C'est-à-dire qu'il va nous montrer la différence entre la nasiha, le conseil, et le ta'yir, le dénigrement, et ce, à travers la manière par laquelle ils sont adressés. C'est-à-dire que le conseil, il est adressé d'une certaine manière, qui est différente de la manière dont sont adressés les blâmes et les dénigrements. Il dit donc وَمِنْ هَذَا الْبَابِ أَنْ يُقَالَ لِلْرَجُلِ فِي وَجْهِهِ مَا يَقْرَهُهُ فَإِنْ كَانَ هَذَا عَلَى وَجْهِ النُّصْحِ فَهُوَ حَسَنٌ. Il dit, et entre dans cela le fait que l'on dise à un homme en face à face ce qu'il réprouve. Et si ceci a pour but de le conseiller, alors c'est une bonne chose. وَقَدْ قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ لِبَعْضِ إِخْوَانِهِ لَا تَنْصَحْنِي حَتَّى تَقُولَ فِي وَجْهِي مَا أَكْرَهُ. Et certains parmi les salafs, parmi les pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, ont dit à certains de leurs frères, tu n'auras pas été loyal envers moi, tu ne m'auras pas conseillé, tant que tu ne m'auras pas dit en face ce que je réprouve. C'est-à-dire tant que tu ne m'auras pas conseillé au sujet de mes défauts et de mes manquements. Car la nature de l'homme est de réprouver que ses défauts lui soient mentionnés. En général, lorsque quelqu'un vient et te rappelle certaines de tes erreurs ou te conseille sur certains de tes péchés, tu ressens une certaine réprobation dans ton cœur. Tu es gêné par ses paroles. Toutefois, celui qui est véridique, malgré qu'il réprouve cela, en réalité il s'en réjouit. Pourquoi ? Car cela est pour lui l'occasion de se corriger, l'occasion de se réformer, l'occasion de s'améliorer. C'est pour ça que, même s'il réprouve cette chose sur le moment, il sait qu'en réalité elle comporte un intérêt immense, et c'est pour cela qu'au final il s'en réjouit. Et ici j'attire votre attention sur un point très important. C'est que bien souvent aujourd'hui, les gens s'éloignent de ceux qui les conseillent. Lorsqu'ils ont dans leur entourage quelqu'un qui essaye autant qu'il peut de faire preuve de piété, et qui les conseille lorsqu'ils commettent des péchés, les rappelle à l'ordre, leur commande le bien, leur interdise le mal, alors ils trouvent la présence de cette personne pesante. Ils sont gênés par sa présence. Et beaucoup préfèrent s'entourer de gens qui les confortent dans leur situation, qui s'entraident avec eux dans le péché et la transgression, et ainsi de suite. Et il n'y a pas de doute que ceci est une erreur. Le musulman qui veut le bien pour sa personne, il se doit de s'entourer de personnes pieuses avec qui il va s'entraider dans le bien et la piété. Et le bon compagnon, c'est le compagnon loyal. C'est celui qui est avec toi un bon conseiller. C'est celui qui, lorsqu'il te voit faire un péché, il te l'interdit. Lorsqu'il te voit délaisser une obligation, il te l'ordonne. Lorsqu'il voit que tu es en train de plonger dans l'insouciance, il te rappelle à l'ordre. Et ainsi de suite. C'est cela le bon conseiller. C'est celui qui te rappelle tes défauts et tes manquements. Ce n'est pas celui qui t'adresse des éloges parfois mensongères, qui ne te fait que des compliments et qui se tait lorsqu'il te voit faire un péché, qui ne te dit rien lorsque tu délaisses une obligation et qui plonge avec toi dans l'insouciance. Celui-ci, ce n'est pas un bon compagnon. Et le bon compagnon, c'est celui qui te rappelle à l'ordre, qui t'aide dans le rappel d'Allah, qui t'aide dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et telle est la loyauté de laquelle nous devons nous parer les uns vers les autres. Tu ne seras pas loyal envers moi tant que tu ne me diras pas en face ce que je réprouve, tant que tu ne me conseilleras pas au sujet de mes défauts, tant que tu ne me conseilleras pas au sujet de mes erreurs, tant que tu ne me commanderas pas le bien et ne m'interdiras pas le mal. C'est cela qui est attendu du bon compagnon. Et celui qui fait cela, son acte, il est louable. Lorsque quelqu'un te voit faire un péché et qu'il te rappelle à l'ordre, qu'il t'interdit ce péché, il t'adresse ici un bon conseil. Ne pense pas qu'il cherche à te rabaisser ou à te dénigrer. Ou, comme le font beaucoup de personnes aujourd'hui, lorsque tu les conseilles, il te dit « Et toi, tu ne fais pas de péché ?» Ou alors, il va se plaindre aux gens et dire « Celui-ci est venu me conseiller comme s'il était supérieur à moi. » Et autre parole encore, « Wal'iyadu billah. » Et tout ceci fait partie des ruses du diable pour éloigner la personne du droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit فَإِذَا أَخْبَرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ بِعَيْبٍ لِيَجْتَنِبَهُ كَانَ ذَلِكَ حَسَنًا. Si l'homme informe son frère d'un de ses défauts afin qu'il s'en écarte, ceci est une bonne chose. كَانَ ذَلِكَ حَسَنًا لِمَنْ أُخْبِرَ بِعَيْبٍ مِنْ عُيُوبِهِ أَنْ يَعْتَذِرَ مِنْهَا إِنْ كَانَ لَهُ مِنْهَا عُذْرٌ. Ceci est une bonne chose pour celui qui en est informé, qui est informé d'un de ses défauts, qu'il s'en excuse, qu'il se repente de ce défaut, qu'il se repente de ce péché, qu'il se repente de ce vice, qu'il se repente de cette erreur, et non pas qu'il blâme ce conseiller qui n'a voulu pour lui que le bien. Ensuite, il dit, rahimahullah, wa in kana dhalika ala wajhi at-tawbih bidh-dhanb fa huwa qabihun madmum. Il dit, mais si cela est fait d'une manière à reprocher le péché, c'est-à-dire à chercher à rabaisser la personne en raison du fait qu'elle ait fait ce péché, alors ceci est une chose mauvaise et blâmable. Donc on voit ici une nouvelle différence entre le conseil et le dénigrement. Lorsque tu conseilles un de tes frères qui a commis un péché, ton objectif doit être qu'il se réforme et qu'il délaisse ce péché, et non pas de le rabaisser en raison du fait qu'il ait commis ce péché. Tu ne lui mentionnes pas ce péché pour l'humilier. Tu ne lui mentionnes pas son péché pour prendre le dessus sur lui et le rabaisser. Non, car ceci est blâmable. Si tu fais cela, c'est une forme de dénigrement, tu ne le conseilles pas. Mais l'objectif du conseil est qu'il se réforme et qu'il délaisse ce péché. Il dit ensuite, rahimahullah, وَقِيلَ لِبَعْضِ السَّلَفِ أَتُحِبُّ أَنْ يُخْبِرَكَ أَحَدٌ بِعُيُوبِكَ. On a dit à certains salafs, est-ce que tu aimerais que quelqu'un t'informe au sujet de tes défauts? فَقَالَ إِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُوَبِّخَنِي فَلَا. Il répondit alors, s'il veut par cela me dénigrer, me faire des reproches, alors non. On comprend donc que s'il veut par cela que je corrige mes défauts, alors oui, j'aimerais qu'il me les mentionne. S'il me les mentionne pour que je me corrige, pour que je m'améliore, alors ceci est une bonne chose que j'apprécie. Mais s'il me les mentionne pour me blâmer, pour me dénigrer, pour me rabaisser, alors, dans ce cas-là, je préfère qu'il ne me les mentionne pas. Car dans le premier cas, il sera récompensé, et dans le deuxième cas, il sera dans le péché. Ensuite, il dit, rahimahullah, فالتوبيخ والتعيير بالذنب مذموم. Le fait de reprocher et de dénigrer une personne en raison d'un péché, ceci est une chose blâmable. Même si une personne fait un grave péché, même s'il boit de l'alcool, même si il fait de graves péchés, il fait des choses qui sont à tes yeux gravissimes. Tu ne dois pas le rabaisser en raison de ce péché. Tu ne dois pas le dénigrer, le prendre en raillerie. Mais il t'incombe de le conseiller afin qu'il se réforme et qu'il délaisse ce péché. Il dit ensuite, وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنْ تُثَرَّبَ الْأَمَةُ الزَّانِيَةَ مَعَ أَمْرِهِ بِجَلْدِهَا فَتُجْلَدُ حَدًّا وَلَا تُعَيَّرْ بِالذَّنْبِ وَلَا تُوَبَّخْ بِهِ. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit que soit dénigrée une femme fornicatrice tout en ordonnant qu'elle soit fouettée. Elle est donc fouettée en guise de peine légale, mais on ne la dénigre pas en raison de son péché. Et dans un autre récit, alors qu'une femme était lapidée suite à ce péché, un homme l'a injuriée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit cela. Et il a dit, par celui qui détient mon âme en sa main, elle s'est repentie d'un repentir qui, s'il était divisé, partagé, entre 70 personnes des gens de Médine, ce repentir leur suffirait. Donc malgré la gravité du péché qu'elle avait commis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'elle soit dénigrée en raison de ce péché. Et dans un autre hadith, rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, d'après Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il y avait un homme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui faisait souvent rire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'il soit fouetté en raison du fait qu'il avait commis le péché de consommer de l'alcool. Alors un jour, alors qu'il avait commis ce péché, on vint avec lui et il ordonna qu'il soit fouetté. Un homme présent dit « Oh Allah, maudis-le !» comme celui-ci vient souvent. C'est-à-dire que ce péché se répète de sa part. Ce n'est pas la première fois qu'il vient et se fait fouetter en raison de ce péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne le maudissez pas. Il aime Allah et son messager. » Allahu Akbar. Ne le maudissez pas. Il reçoit la peine légale en raison de son péché. Mais ce n'est pas une raison pour le maudire. Ni le dénigrer, ni le rabaisser, ni l'insulter. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit à ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela alors qu'il est confirmé de lui qu'il a maudit celui qui consomme le vin, mais ce de manière générale. Et dans ce hadith, il a interdit de maudire cette personne de manière particulière. Et dans un autre hadith, on vint un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une personne qui était ivre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de le frapper. Certains l'ont frappé avec leurs mains, d'autres avec leurs sandales, d'autres avec leurs vêtements. Et lorsqu'il est parti, quelqu'un a dit « Qu'Allah l'avilisse !» Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Ne soyez pas un soutien du diable contre votre frère. » Et ce hadith est également rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Et dans une autre narration, authentifiée par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit de dire cela. Il a dit « Ne soyez pas un soutien du diable contre votre frère, mais dites plutôt « Oh Allah, pardonne-lui, oh Allah, fais-lui miséricorde. » Voyez donc le comportement vers lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a orientés concernant le comportement à avoir avec celui qui fait des péchés. Et Al-Hafiz ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, a dit en commentaire de ce hadith que le fait de prononcer cette parole, de dire qu'Allah l'avilisse, est une manière d'être un soutien du diable contre lui. Cela vient du fait que le diable, il embellit le péché au serviteur afin que celui-ci soit avili. Donc, si tu invoques contre lui afin qu'Allah l'avilisse, c'est comme si tu aidais le diable à atteindre son objectif. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de plutôt dire « Oh Allah, pardonne-le, oh Allah, fais-lui miséricorde !» afin de ne pas être un soutien du diable contre lui, mais plutôt d'être des causes afin qu'il revienne à la droiture bi'inillahi ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « Wa fi al-Tirmidhi wa ghayrihi marfu'an man ayyara akhahu bi dhanbin lam yamut hatta ya'malah » Et on trouve dans le recueil de Tirmidhi et d'autres une parole attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui aurait dit « Celui qui dénigre son frère en raison d'un péché, il ne mourira pas avant de l'avoir commis. » Donc tout d'abord, il est important de savoir que ce hadith n'est pas un hadith authentique. On ne peut donc pas l'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été jugé faible par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala. Malgré tout, les gens de science ont dit que le sens de ce hadith est véridique. C'est-à-dire que celui qui dénigre son frère en raison d'un péché qu'il a commis, alors il risque de se faire éprouver par ce même péché. Et ceci est une chose réelle. Et combien de personnes on a vu dénigrer des pécheurs, les rabaisser, les prendre en raillerie, se moquer d'eux. Puis, quelque temps après, tu vois cette personne qui dénigrait et se moquait être éprouvé par ce même péché, wal'iyadu billah. Ceci est une sanction. Si par exemple tu vois un de tes frères qui a des manquements, qui est tombé dans un péché, attriste-toi pour lui. Ne le dénigre pas, ne le rabaisse pas. Car si tu le dénigres et le rabaisses ou te moques de lui, il se peut que toi aussi tu sois éprouvé par ce même péché. Combien de personnes se sont moquées de frères qui, suite à un moment de faiblesse, ont diminué ou rasé leur barbe. Et quelque temps après, ces mêmes personnes ont été éprouvées par ce même péché. Combien de personnes se sont moquées de femmes qui ont des manquements quant au voile légiféré et qui ne respectent pas les conditions de leur voile. Puis ces mêmes personnes après se font éprouver par ce péché. Combien de personnes se sont moquées de frères qui, par exemple, avaient du mal à accomplir leur prière à l'heure, puis quelque temps après se sont fait éprouver par ce même péché. Et ainsi de suite. Tu ne dois pas mépriser ou dénigrer tes frères en raison de leur péché. Certes, il t'incombe de leur interdire le mal. Certes, il t'incombe de leur ordonner le bien. Mais tu ne dois pas les dénigrer, ni te moquer d'eux. Ne te moque pas des pécheurs. Ne les prends pas en raillerie. Ne te pense pas à l'abri de commettre ce péché qu'ils ont commis. Les cœurs sont entre deux des doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les retourne comme il veut. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir nos cœurs sur sa religion. Donc tous ces gens qui méprisent leurs frères, les dénigrent, divulguent leurs péchés, les prennent en raillerie, se moquent d'eux. Wallah, il est à craindre pour eux qu'ils soient éprouvés sur leur personne et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « وَحُمِلَ ذَلِكَ عَلَى الذَّنْبِ الَّذِي تَابَ مِنْهُ صَاحِبُهُ » Et ceci a aussi été interprété concernant le péché duquel son auteur s'est repenti. C'est-à-dire que la personne dénigre son frère en raison d'un péché qu'il a commis par le passé et duquel il s'est repenti. Ceci aussi est une chose très courante. On voit beaucoup de gens dénigrer leurs frères et sœurs en raison de leur péché passé. Ah, celui-ci avant il faisait ceci et cela. Ah, celle-ci avant elle faisait tel péché. Ah, lui, en telle année il a fait ça et ça comme péché. Oui, mais avant il faisait ceci et cela. Alors que cette personne s'est repentie. Est-ce que ces gens se pensent infaillibles? Est-ce que ces gens pensent qu'ils ont gagné leur place au paradis pour dénigrer ainsi leurs frères et sœurs? Tant que tu as encore en vie, tu n'es pas à l'abri. Il se peut que demain, toi-même, tu commettes des péchés encore plus graves qu'ils ont commis. Donc comment peux-tu te permettre de rappeler leurs péchés passés, desquels ils se sont repentis, wallah al-musta'an? Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, « قال الفضيل, rahimahullah, المؤمن يستر وينصح, والفاجر يهتك ويعير. » الفضيل, c'est-à-dire الفضيل ibn Iyad, rahimahullah ta'ala, il a dit, le croyant, il couvre et conseille. C'est-à-dire, il couvre son frère, il ne dévoile pas son péché, il le conseille, afin qu'il se corrige et se réforme. Et le pervers, il dévoile et dénigre. Voyez ici encore une différence entre le conseil et le dénigrement. Le croyant, s'il voit son frère faire un péché, il le couvre, il ne va pas le dévoiler, il ne va pas aller à la prochaine prière et dire « Ah, vous ne savez pas ce qu'un tel a fait, il a fait ceci et cela comme péché. » Ça, c'est le comportement du pervers. C'est le comportement de l'hypocrite. Cela ne fait pas partie des caractéristiques du croyant. Le croyant, il couvre. Il ne dévoile pas le péché de ses frères. Et il le conseille. Il le voit faire ce péché, il va le conseiller. Il le rappelle à l'ordre, lui commande le bien, lui interdit le mal. Il ne le laisse pas dans son péché, puis ensuite il s'empresse d'aller voir les gens pour dévoiler son péché et le dénigrer, le rabaisser. Beaucoup de gens agissent de cette manière. Ils voient quelqu'un faire un péché, il te dit « je l'ai vu faire ceci et cela ». Tu lui dis « et en ta présence il a fait cela ?»« Oui, oui, je l'ai vu de mes yeux ». Et que lui as-tu dit? Est-ce que tu l'as conseillé? Non, il ne l'a pas conseillé. Est-ce que tu l'as rappelé à l'ordre? Non, il ne l'a pas rappelé à l'ordre. Est-ce que tu lui as interdit le mal? Non, il ne lui a pas interdit le mal. Il s'est juste empressé de prendre son téléphone, d'envoyer des messages à tout le monde, d'aller à la mosquée, d'aller parler à tout le monde après la prière. J'ai vu un tel, il a fait tel péché. Subhanallah. Est-ce ainsi que le croyant agit? Est-ce que vous pensez que c'est comme cela que la situation de notre communauté va s'améliorer? Est-ce que tu penses que c'est en divulguant les péchés de tes frères et sœurs, que les musulmans vont sortir de la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui? Le dévoilement des péchés et le dénigrement en raison des péchés, cela ne fait pas partie des caractéristiques du croyant. Le croyant, il couvre et il conseille. Il couvre son frère, il ne dévoile pas son péché, il va le conseiller. Il ne se tait pas, il le conseille, il le rappelle. Il lui ordonne le bien, il lui interdit le mal. Telle est la caractéristique du croyant. Il dit ensuite, rahimahullah, فهذا الذي ذكره الفضيل من علامات النصح والتعيير وهو أن النصح يقترن به الستر والتعيير يقترن به الإعلان. Il dit ce que le Fudayl, rahimahullah ta'ala, a mentionné, fait partie des signes qui te permettent de distinguer entre le conseil et le dénigrement. Et c'est que le conseil, il est accompagné du fait de couvrir, de cacher la personne. Et le dénigrement, il est accompagné du fait de la dévoiler, de proclamer son péché, de proclamer son défaut, et ainsi de suite. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَكَانَ يُقَالْ مَنْ أَمَرَ أَخَاهُ عَلَى رُؤُوسِ الْمَلَأِ فَقَدْ عَيَّرَهُ أَوْ بِهَذَا الْمَعْنَى. Et on disait, celui qui ordonne à son frère, c'est-à-dire qui lui ordonne une chose, qui lui commande le bien, qui lui interdit le mal, qui lui fait un rappel, en public, alors il l'a certes dénigré. Ou une parole dans ce sens. C'est-à-dire que si quelqu'un voit un de ses frères faire un péché, il ne lui convient pas de le conseiller au sujet de ce péché en public, mais il lui convient de le prendre à part, de le rappeler à l'ordre, et de l'appeler au repentir. Mais il ne l'humilie pas devant les gens, il ne le rabaisse pas. Il fait ça entre lui et son frère. Et ainsi, il sera plus à même d'être une cause pour qu'il revienne à la droiture, bi'inillahi ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَكَانَ السَّلَفُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى يَكْرَهُونَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ. Et les salafs, les pieux prédécesseurs, رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى, ils réprouvaient le commandement du bien et l'interdiction du mal de cette manière, c'est-à-dire de manière publique, devant les gens. وَيُحِبُّونَ أَنْ يَكُونَ سِرًّا فِيمَا بَيْنَ الْآمِرِ وَالْمَأْمُورِ. Et ils aimaient que ceci ait lieu secrètement, en privé, entre celui qui ordonne et celui qui est ordonné. C'est ainsi que tu dois agir. Si tu vois ton frère faire une erreur, que tu l'as vu faire un péché, tu ne mentionnes pas ce péché en public, mais tu lui parles seul à seul, lui ordonne le bien et lui interdit le mal. Il dit ensuite, rahimahullah, فَإِنَّ هَذَا مِنْ عَلَامَةِ النُّصْحِ. Et ceci fait partie des signes du bon conseil, de la loyauté. فَإِنَّ النَّاصِحِ ليس له غرض في إشاعة عيوب من ينصح له وإنما غرضه إزالة المفسدة التي وقع فيها. Il dit, car le bon conseiller, النصح, il n'a aucun intérêt à diffuser, à divulguer les défauts de celui qu'il conseille. Mais son objectif, c'est quoi? C'est de faire disparaître ce méfait dans lequel il est tombé. C'est cela l'objectif du conseiller. Son objectif, ce n'est pas d'humilier son frère. Son objectif, ce n'est pas de l'afficher devant tout le monde. Son objectif, ce n'est pas de le rabaisser. Son objectif, c'est qu'il cesse son péché, qu'il délaisse ce mal qu'il a commis, ou qu'il accomplisse cette obligation qu'il a délaissée, et ainsi de suite. Donc, pour ce faire, il lui parle seul à seul, et il n'a aucun intérêt à lui parler publiquement. Mais ici, il y a une question qui se pose. Est-ce que ceci est valable de manière absolue? C'est-à-dire, est-ce que tout conseil doit avoir lieu dans le cercle privé? Ou alors, certains conseils peuvent être adressés publiquement? La réponse est que la base, en ce qui concerne les péchés de la personne, c'est de la conseiller secrètement. Mais s'il y a un intérêt à ce que le conseil soit prononcé publiquement, comme si le péché ou l'erreur est en lien avec la religion. Si par exemple ce péché ou cette erreur, c'est que cette personne a appelé à une innovation, cette personne a appelé à une croyance corrompue, une croyance erronée, dans ce cas-là, il est obligatoire que le conseil ait lieu publiquement, afin que cette erreur soit corrigée publiquement. Et les gens de science ont mentionné que si l'auteur de cette erreur est une personne parmi les gens de la sunna, et qu'on espère que si on la conseille dans un cercle privé, elle revienne de son erreur et se corrige elle-même, c'est-à-dire qu'elle-même, publiquement, elle publie la correction de cette erreur. Alors, dans ce cas-là, si cela est possible, c'est une bonne chose de lui adresser le conseil en privé. Mais ce n'est pas une condition ni une obligation. À partir du moment où l'erreur a été faite publiquement et a été propagée publiquement, il est permis de la corriger publiquement et d'adresser le conseil publiquement. Et il est confirmé du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il adressait ses conseils de différentes manières, en fonction des intérêts, en fonction des situations. Parfois, il lui arrivait de conseiller une personne en privé. Parfois, il lui arrivait d'adresser le conseil publiquement, sans mentionner le nom de l'auteur du péché ou de l'erreur. Et parfois, il lui arrivait d'adresser son conseil publiquement en mentionnant le nom de l'auteur du péché ou de l'erreur. Et tout ceci en fonction de la situation. Si on peut atteindre la correction de l'erreur en adressant le conseil en privé, alors ceci est une bonne chose. Mais si la correction de l'erreur ne peut être atteinte qu'en conseillant publiquement, alors le conseil sera adressé publiquement. Ensuite, on verra l'intérêt qu'il y a à mentionner le nom de l'auteur de l'erreur ou non. Il se peut parfois qu'il suffise de corriger l'erreur sans mentionner le nom de son auteur. Les gens comprendront d'eux-mêmes. Et parfois, il est nécessaire de mentionner le nom de l'auteur de l'erreur afin que les gens prennent garde à lui, sachent que celui-ci s'est trompé et qu'ils ne le suivent pas dans cette erreur. Et malheureusement, parfois aujourd'hui, tu peux adresser un conseil en voyant un intérêt à ne pas mentionner le nom de la personne qui a fait l'erreur. Tu te contentes de corriger l'erreur. Puis tu as certains faibles d'esprit qui viennent commenter et dire « Vous visez un tel, vous visez un tel. » Subhanallah. Son nom n'a pas été mentionné par un intérêt qui a été recherché et toi tu viens dévoiler son nom en pensant le défendre. Wallahu al-musta'an. Donc tout ceci nous montre que nombre de personnes sont bien loin de la connaissance des règles religieuses à ce sujet. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « وَأَمَّا الْإِشَاعَ وَإِذْهَارُ الْعُيُوبِ فَهُوَ مِمَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ » Il dit quant au fait de divulguer et mettre en évidence les péchés, ceci fait partie des choses qu'Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ont interdites. Puis il a cité le verset 19 de Surat An-Nur, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu filladhina amanu, lahum adabun alimun fid-dunya wal-akhirah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. » Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants. C'est-à-dire qui aiment divulguer les péchés des croyants. Dire, il y a des croyants qui font ceci et cela. Il y en a qui font tel et tel péché. Telle personne a fait tel péché, et ainsi de suite. On voit certaines personnes, parfois, surtout aujourd'hui avec l'apparition des réseaux sociaux, les gens, ils parlent des péchés des uns des autres. Ils ne voient pas de mal en cela. Il est à craindre qu'ils fassent partie de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans ce verset. Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants. Ils auront un châtiment douloureux ici-bas comme dans l'au-delà. Allah sait, vous ne savez pas. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « Wal ahadithu fi fadli sirri kathiratun jidda » Et les hadiths concernant le mérite de conseiller en privé sont très nombreux. Ensuite, il dit « Wa qala ba'du al-ulama liman ya'muru bil ma'ruf wa ijtahid an tastura al-usat fa inna dhuhura 'awratihim » وَهَنٌ فِي الْإِسْلَامِ أَحَقُّ الشَّيْهِ بِالسِّتْرَ الْعَوْرَةِ Il dit, rahimahullah, certains savants ont dit à ceux qui ordonnaient le bien et fais ton possible pour couvrir les désobéissants, car la divulgation de leurs péchés est une honte pour les gens de l'islam. Et la chose la plus en droit d'être cachée, ce sont les défauts. Les gens ne se rendent pas compte que, lorsqu'ils divulguent les péchés de leurs frères et sœurs, qu'ils disent « il y a des musulmans qui font ceci et cela », ils divulguent les péchés des musulmans, alors que ces péchés, il convient de les cacher, il convient de ne pas en parler, il convient de ne pas les dévoiler au grand jour. L'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, a rapporté dans l'Adab al-Mufrad que Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, a dit « celui qui pratique la turpitude » et celui qui la propage sont égaux dans le péché. Subhanallah. Quelqu'un voit son frère ou sa sœur faire un péché. Il propage ce péché. Il est égal à cette personne dans le péché. Pourquoi? Car il l'a propagé. Il a aussi rapporté toujours dans Adab al-Mufrad que Shubayl ibn Auf, rahimahullahu ta'ala, a dit « On disait auparavant que celui qui entend la turpitude, puis la propage, est alors semblable à celui l'ayant commis. » On entend souvent des histoires de personnes qui ont commis tel ou tel péché. Un jour, un frère a fait ceci et cela. Un jour, une sœur a fait ceci et cela. Dans cet endroit, il y a des frères qui font cela. Dans cet endroit, il y a des sœurs qui font cela, et ainsi de suite. Cette personne qui propage le péché et celle qui l'entend, puis le propage, elle est semblable à celui ayant commis le péché. Donc ce n'est pas une chose à prendre à la légère. L'imam Ibn Abi Hatim, rahimahullah ta'ala, a rapporté que Ata, rahimahullah ta'ala, a dit « Celui qui propage la turpitude, alors que le châtiment soit sur lui, même s'il est véridique. » Même s'il est véridique, médite bien sur cela. Celui qui voit une personne faire un péché, puis qui propage cela, qui le diffuse parmi les gens, il dit « Alors que le châtiment soit sur lui, même s'il est véridique. » Même s'il l'a réellement vu, ce n'est pas parce que tu l'as vu que tu as le droit de le propager. Ce n'est pas tout ce qui est vrai que l'on a le droit de dire. Il y a des choses qui sont permises et il y a des choses qui sont interdites. Et lorsque tu vois des personnes faire des péchés, tu ne dois pas parler de ces péchés. Il a aussi été rapporté que Khalid ibn Ma'dan, rahimahullah ta'ala, a dit « Celui qui rapporte ce que ses yeux ont vu et ce que ses oreilles ont entendu, fait alors partie de ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants. » Vous voyez donc la gravité qu'il y a dans le fait de divulguer les péchés des musulmans. Et tous ces récits, vous pouvez les retrouver dans un article qui est publié sur le site An-Nasiha et qui a pour titre « Ne divulgue pas les péchés des musulmans ». Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « فَلِهَادَ كَانَ إِشَاعَةُ الْفَاحِشَةِ مُقْتَرِنَةً بِالتَّعْيِيرَ » C'est pour cela que le fait de propager la turpitude est lié au dénigrement. Celui qui propage le péché de son frère, alors il l'a dénigré. Il n'y a pas d'intérêt à divulguer les péchés de ton frère. Si quelqu'un appelle à une innovation, appelle à une chose contraire à la religion, c'est ton droit de le blâmer publiquement, afin d'avertir les gens. Mais s'il a fait un péché qui ne concerne que lui, un péché entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas à le dévoiler, tu n'as pas à le propager, tu n'as pas à le divulguer, mais tu dois le couvrir et le conseiller. Il dit ensuite « Wahuma min khisal il fujjar » et ceci fait partie des caractéristiques des pervers, de propager la turpitude et de dénigrer. « Li'anna al-fajir la gharada lahu fi zawal al-mafasid wa la fi ijtinab al-mu'min lin-naqais wal-ma'ayib » Il dit car le pervers, il ne recherche pas à dissiper les méfaits, ni à ce que le croyant s'écarte des manquements et des défauts. Ce n'est pas cela qu'il recherche, le pervers. Il cherche juste à dénigrer, à rabaisser. Il dit إنما غرضه في مجرد إشاعة العيب في أخيه المؤمن وهتك عرضه فهو يعيد ذلك ويبدي. Il dit son seul objectif, c'est simplement de divulguer le défaut de son frère croyant et de le déshonorer, de le couvrir de honte. C'est pour cela qu'il répète cela et le dévoile, le divulgue. ومقصوده تنقص أخيه المؤمن في إظهار عيوبه ومساويه للناس. Son objectif, c'est de rabaisser son frère croyant en dévoilant ses défauts et ses fautes, ses faiblesses, en les dévoilant aux gens. ليُدخل عليه الضرر في الدنيا. Et ce afin de lui causer du tort ici-bas. Mais en réalité, même s'il cause du tort ici-bas aux croyants, s'il ne se repent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne se cause du tort qu'à lui-même. Car il aura un châtiment ici-bas, il se peut qu'il soit lui-même éprouvé par ses péchés. Et s'il ne se repent pas avant de mourir, il aura à rendre compte de ses actes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez ici l'erreur de certaines personnes qui, sous prétexte de mise en garde, sous prétexte de défense de la vérité, divulguent les péchés des musulmans, ou vont même jusqu'à les diffamer, en prétendant que ceci fait partie de la défense de la vérité et du dévoilement des gens du faux, alors que ceci ne fait en rien partie de la voie de nos savants, rahimahumullah ta'ala. Nos savants, les péchés, ils les couvrent. Lorsqu'ils réfutent une personne parmi les gens de l'innovation, parmi les gens de l'égarement, ils la réfutent sur le plan religieux. Ils réfutent ses erreurs. Ils démontrent par les textes du Coran et de la Sunna que cette personne s'est trompée, que cette personne a innové, que cette personne est dans l'erreur, que cette personne est dans l'égarement. Mais avez-vous déjà lu une réfutation d'un de nos savants qui dit « Celui-ci va dans les bars, celui-ci a un jour bu de l'alcool, celui-ci a un jour fait tel péché, et ainsi de suite. » Non, il ne mentionne pas cela. Il refute simplement les erreurs sur le plan religieux. Quant aux péchés de la personne qui sont entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala, il les laisse entre elle et Allah. Et peut-être qu'il les conseille dans le cadre privé. Mais on ne trouve pas cela dans leur réfutation. Car ceci n'a pas de lien avec la défense de la vérité. Ceci fait partie de la propagation de la turpitude parmi les croyants. Ceci ne fait pas partie des choses qui ont à être dévoilées. Ensuite, il dit, rahimahullah, وأما الناصح فغرضه بذلك إزالة عيب أخيه المؤمن واجتنابه له. Il dit, quant au conseiller, contrairement au pervers, celui qui conseille, son objectif c'est quoi? C'est que soit dissipé de son frère ce défaut, et que son frère croyant s'écarte de ce défaut, s'écarte de ce péché. C'est pour cela qu'il le conseille en privé. Il dit, وَبِذَلِكَ وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى رَسُولَهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit son messager sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit au verset 128 de surat At-Tawbah, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Cela qui est visé dans le verset. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était plein de sollicitude pour les croyants. Il prenait soin des croyants. Il les traitait avec attention. Il était compatissant envers eux, miséricordieux envers eux. Sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَوَصَفَ بِذَلِكَ أَصْحَابَهُ. Et il a décrit ainsi ses compagnons, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu ta'ala anhum. Il a dit, مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Muhammad est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux, miséricordieux entre eux. Ils se font miséricorde les uns les autres. Ils sont cléments et indulgents les uns envers les autres. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, ووصف المؤمنين بالصبر والتواصي بالمرحمة. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit les croyants par deux qualités immenses qui sont la patience et le fait de s'enjoindre mutuellement la miséricorde. En effet, les croyants, ils patientent les uns sur les autres. Les uns patientent sur les défauts des autres. Les uns patientent sur les nuisances des autres, et ainsi de suite. Et ils s'enjoignent mutuellement cette patience. Ils s'enjoignent les uns les autres de patienter. Et ils s'enjoignent les uns les autres de faire preuve de miséricorde entre eux, d'être indulgent entre eux, d'être compatissant entre eux. Telles sont les caractéristiques des croyants. Non pas comme le pervers qui cherche à causer du tort, à humilier, à rabaisser, à dévoiler, à divulguer, ainsi de suite. Ceux-ci ne font pas partie des caractéristiques des croyants, mais cela fait plutôt partie des caractéristiques des hypocrites. Ensuite, le shir, rahimahullah ta'ala, nous explique qu'est-ce qui pousse le pervers à propager le mal et à le divulguer. Et on verra cela, incha'Allah ta'ala, dans le prochain cours, ainsi que le passage suivant concernant la sanction de celui qui propage et divulgue les péchés des musulmans. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. وبارك الله فيكم.